franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, nous allons vous raconter l'histoire tragique d'enfants que la médecine avait promis d'aider à grandir, mais qui en réalité vont se retrouver condamnés à mourir. Ce drame sanitaire, qui a vécu dans l'ombre du sang contaminé, avec lequel d'ailleurs on pourrait détecter quelques parallèles, c'est le scandale des hormones de croissance. Entre 1983 et 1985, dans notre pays, plus d'un millier d'enfants reçoivent un traitement que l'on dit « miraculeux ». Mais le rêve médical se transforme en cauchemar lorsque, quelques années plus tard, certains de ces jeunes patients sont atteints d'une maladie neurodégénérative incurable, Creutzfeldt-Jakob. Un mal qui leur a été transmis par des lots d'hormones contaminées. Aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, les hormones de croissance ont tué plus de 120 personnes. La plupart avaient moins de 35 ans et sont mortes dans de terribles souffrances. De leur côté, plusieurs centaines d'anciens patients se réveillent chaque jour avec une forme de terreur psychologique, la peur d'être eux aussi contaminés. À l'issue d'un interminable et douloureux feuilleton judiciaire, les juges ont condamné ces fautes et négligences graves de la part de l'encadrement médical. Plus grave encore, la justice a prouvé que si certains médecins connaissaient les risques, aucun d'entre eux n'avait tiré le moindre signal d'alerte ni même respecté le principe de précaution. Pour autant, aucune condamnation individuelle n'a jamais été retenue. Après le récit, nous donnerons la parole à notre invité, le journaliste Éric Favreau, spécialiste des questions de santé pour Libération, notre partenaire. Il avait suivi cette affaire à l'époque. Vous entendrez également le témoignage de Jeanne Goerian, que notre reporter Anaël Verzeau a rencontré. Son fils, Éric, contaminé, victime de cette horreur, est mort en 1994 de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec le journal Libération, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Stéphane Potvin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Palais de justice de Paris, nous sommes le lundi 25 janvier 2016, il est 13h30. Dans la salle des pas perdus règne ce jour-là une intense agitation. Une foule de journalistes patientes devant la grande porte en bois de la salle d'audience. Tous attendent avec impatience la décision de la cour d'appel qui se prononce aujourd'hui sur une affaire de santé publique vieille de plus de 25 ans, les hormones de croissance. À l'intérieur, dans le box des accusés, deux personnes ont pris place. Un homme et une femme, d'un certain âge, comme on dit. Il s'agit du professeur Fernand Drey et de l'ancienne pédiatre Elisabeth Munier. Tout au long des débats, ils ont le regard absent. Sur les bancs des parties civiles, derrière leurs avocats, les familles sont là, elles aussi, et en nombre. Parmi elles, des mères, des pères, des frères, des sœurs, des amis, tous ont en commun d'avoir perdu un proche ou de vivre avec lui sa terrible maladie. L'une de ces personnes, Jeanne Goerian, est là pour rappeler le sort de son fils, Éric, mort quelques années plus tôt dans d'indicibles souffrances. Comme de nombreux patients, Éric avait contracté une maladie neurodégénérative après son traitement aux hormones de croissance. Les familles sont là pour qu'enfin justice soit rendue. Il est 16h lorsque les juges rendent leur verdict. Puis les gendarmes ouvrent les portes de la salle d'audience. Les uns après les autres, les familles sortent dans le calme et le silence. Sur leurs visages, les mines sont graves. Certains fondent en larmes. Et pour cause, les magistrats de la cour d'appel viennent de relaxer les deux derniers prévenus encore en vie dans cette affaire. Qui plus est, les juges écartent la possibilité pour les victimes d'être indemnisées. Pour l'avocat des familles, maître Bernard Faux, il s'agit là d'une décision grave et incompréhensible. C'est un arrêt de la cour d'appel qui est très décevant parce que l'arrêt énonce la litanie des fautes extrêmement graves qui ont été commises par le professeur Drey et par Madame Munier et il n'en tire pas de conséquences sur le terrain de la responsabilité. Autrement dit, un crime d'imprudence et de négligence sans coupable. Le jugement apparaît effectivement bien léger au regard du sort des 120 patients, pour la plupart des enfants, morts pour avoir pris un traitement qui devait favoriser leur croissance. Un traitement prescrit par des professionnels de santé sous tutelle des plus grands organismes de recherche en France. Un scandale, évidemment, pour Béatrice Desmarais, par exemple, mère d'une victime. Les mots me manquent, je veux dire, c'est un scandale supplémentaire, une honte. Un millier d'enfants a été traité en 83 avec une hormone de croissance qui était contaminée parce que des personnes ont mal fait leur travail. On entend aujourd'hui que, non, tout a été fait de manière convenable. Ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, comme quoi quand on est dans l'exercice de ses fonctions, on peut faire n'importe quoi. Les mots manquent aux familles qui ne s'expriment pas d'ailleurs pour la plupart face aux journalistes comme assommés. Le coup est d'autant plus dur pour elles que ce procès au civil constituait l'ultime recours judiciaire dans une affaire qui avait déjà été jugée deux fois. Renvoyée en appel, puis en cassation, au bout d'un long chemin de bataille judiciaire, d'expertise et de contre-expertise, de témoignages et de contre-témoignages. Le soir, à l'heure du 20h, le grand public redécouvre la cruelle réalité de cette affaire des hormones de croissance. Il y a d'abord ces images, celles de jeunes adultes immobilisés dans un lit d'hôpital et atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui racontent leur souffrance. Il y a ensuite le témoignage de tous ces parents qui ont perdu un fils ou une fille après un calvaire thérapeutique sans fin. Il y a ces images des années 80 où l'on voit des infirmières administrer le traitement à l'aide de piqûres. Toutes ces images interpellent, bien sûr, effraient. Si c'était le mien, mon enfant, mon fils, ma fille. Mais à elles seules, ces images n'expliquent pas le drame qui s'est noué dans notre pays il y a près d'un quart de siècle. Elles en montrent le résultat. Alors, comment un traitement médical, que l'on disait miraculeux, a-t-il pu conduire des enfants à la mort ? Que savait-on exactement à cette époque sur les dangers qui pouvaient être liés aux hormones de croissance ? Et si des fautes ont été commises, comme le prétendent les familles, lesquelles ? Première étape de ce voyage pour la vérité, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Boston, Université des sciences médicales. Nous sommes au début des années 60. Dans son laboratoire, le professeur d'endocrinologie Maurice Raben fait une découverte exceptionnelle. Avec son équipe, il met au point la première méthode d'extraction d'hormones de croissance humaine. Sa découverte provoque immédiatement un petit séisme dans la communauté scientifique. Car derrière cette minuscule protéine, désormais accessible, beaucoup entrevoient déjà des applications thérapeutiques colossales. Comment un tel exploit est-il possible ? Car cela ressemble à ça, à première vue. Eh bien voilà des années que l'équipe du professeur Raben concentre ses efforts sur une glande hormonale située à la base du cerveau qui joue un rôle essentiel dans les processus de fertilité et de croissance. Son nom, vous le connaissez, l'hypophyse. Comme explique le professeur Jacques Decour, endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle possède des caractéristiques exceptionnelles. L'hypophyse, c'est une glande endocrine. Et c'est une glande endocrine privilégiée, c'est-à-dire une formation faite de cellules qui, puisant dans le sang leur matière première, élaborent un produit de sécrétion spécifique. Ces produits de sécrétion interne s'appellent les hormones. Ce sont de véritables ambassadeurs chimiques qui, d'un moment à l'autre, sont extrêmement variables, d'où la nécessité d'un mécanisme régulateur extrêmement précis. L'hypophyse est profondément enfouie dans la cavité crânienne, appendue à la base du cerveau par une tige et protégée par une loge. L'hypophyse est privilégiée, entre guillemets, par sa situation, nous venons de le voir. Est-ce qu'elle l'est aussi par son rôle ou par sa fonction ? Oui, elle l'est par sa polyvalence. En français, elle l'est parce qu'elle fabrique de multiples hormones. L'hypophyse fabrique pour le moins 7 hormones. Et parmi ces hormones, il en est de très particulières. L'une, par son importance, déborde toutes les autres. C'est l'hormone de croissance, que l'on appelle par abréviation STH. Ça, c'est quand tout va bien. Mais quand elle est malade, l'hypophyse ne sécrète plus naturellement d'hormone de croissance. L'individu devient déficient. Conséquence directe, il ne grandit plus. C'est l'une des causes du nanisme, une maladie qui touche une personne sur 10 000 en Occident. Quelques mois après cette découverte, toujours aux États-Unis, on réalise de premiers essais cliniques sur des souris en leur injectant des microdoses d'hormones de croissance prélevées sur les hypophyses de cadavres de leurs congénères. Les résultats sont spectaculaires. Aussi et très vite, la science fait appel à des cobayes humains. Pratiqués sur des volontaires, bien sûr, les résultats sont certes variables, mais restent extrêmement encourageants. Dans certains cas, le traitement permet à des patients de gagner jusqu'à 15 cm. L'expérimentation fait la une de toute la presse spécialisée. Elle attire bon nombre de convoitises dans les sphères de la recherche. Car au-delà du simple espoir thérapeutique, elle inaugure aussi un marché fort séduisant. Au début des années 70, deux pédiatres de renom, les docteurs Pierre Royer et Jean-Claude Job, sont convaincus que le traitement par hormones de croissance est révolutionnaire. Ils en sont tellement persuadés qu'ils créent une association de type Loi 1901 à but non lucratif afin de mettre sur pied un programme national. Ils donnent à cette association le nom de France Hypophyse. Consortium de plusieurs services de recherche et de médecine, elle est parrainée par de nombreux professionnels de santé. Son rôle, c'est de trouver la matière, donc les hypophyses, pour administrer le traitement à de jeunes patients. Mais pour fabriquer de la poudre d'hormone prête à être injectée, il faut un laboratoire. De préférence, une structure qui a pignon sur rue et qui soit un gage de sûreté pour le grand public. On choisit donc le prestigieux Institut Pasteur et son unité de recherche URIA, un organisme alors dirigé par le professeur Fernand Drey. Enfin, pour transformer le produit, un troisième acteur intervient dans la chaîne. Il s'agit de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris. C'est elle qui sera chargée de distribuer le traitement aux familles et qui va fixer les prix sur le marché. Bref, acteur au-dessus de tout soupçon. Sur le papier, tout semble cohérent et prometteur. Alors, au fil des mois, le système se met en place et peut compter sur les plateaux de télé pour accroître sa notoriété. Comme ici, pour l'émission à la recherche du temps présent avec l'éminent biologiste Joël de René. Qui nous habite comme une autre planète, mais au sein de nous-mêmes. Et puis, nous avons également appris à mieux connaître les langages de la vie, les codes de la vie. Et puis, surtout, on a appris à écrire ce langage, à reprogrammer des cellules. Ceci se traduit par des applications tout à fait concrètes. Voici un tube contenant de l'hormone de croissance humaine obtenue par extraction à partir d'hypophyses. Il en faut un grand nombre, l'extraction est assez délicate. Et voici un autre tube dans lequel vivent actuellement 1 million environ de cellules qui ont été reprogrammées pour fabriquer de l'hormone de croissance humaine. Pour quelques centimètres de plus, de nombreuses familles sont séduites par ce remède qu'on leur présente comme miraculeux. Certes, le procédé thérapeutique est lourd, des injections une à plusieurs fois par semaine pendant plusieurs mois. Mais dans une société normative où la petite taille reste de façon absurde un handicap, on voit le bénéfice que peuvent en tirer les enfants. C'est ainsi qu'à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, à Paris, on reçoit de plus en plus de jeunes patients dont les parents inquiets veulent un bilan de croissance. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Jean-Patrick. Jean-Patrick, quel âge as-tu, Jean-Patrick ? 14 ans. 14 ans. Et est-ce que tu sais combien tu mesures ? Oui, je pense à peu près 1m42. 1m42, à 14 ans. Bon, on va vérifier, tu veux ? Tu veux voir mon nom de fâton ? Oui. Tu me donnes ta date de naissance pendant que on te mesure ? 21 février 1966. 21. Cet enfant présente un retard de croissance, c'est-à-dire que sa taille ne correspond pas à la moyenne observée chez les garçons de son âge. Dans les examens méticuleux qu'implique le cas des enfants trop petits, les signes osseux décelés par radiographie, ont une extrême importance. Très encadré, l'accès au traitement par les hormones de croissance est difficile d'accès. Chaque famille dépose un dossier qui est étudié par deux commissions de contrôle de l'association France Hypophyse. Si la réponse est positive, l'enfant démarre le traitement dans un centre régional spécialisé et sous tutelle d'un pédiatre. Aussi, parmi les familles des candidats, nombreuses sont celles qui considèrent l'accès aux hormones comme une chance, voire un privilège que leur octroie le docteur Job. Elles sont bien loin de se douter qu'elles ont mis le pied dans un engrenage infernal. À la fin des années 70, le traitement par hormones de croissance connaît un grand succès. Parmi ceux qui ont alors la chance, croit-on, de pouvoir le suivre, il y a Eric, le fils de Jeanne Goyerian. À l'âge de 10 ans, il ne grandit plus. Son frère, de 2 ans son cadet, le dépasse en taille. Après plusieurs tests médicaux, on lui diagnostique un déficit hypophysaire et on lui prescrit des injections par hormones de croissance. Loin d'être exceptionnel, les résultats permettent tout de même à Eric de rattraper une partie de son retard, et donc de grandir. Bouche à oreille oblige, de nombreuses familles veulent, elles aussi, bénéficier du traitement miracle. Ce qui, comme l'explique le docteur François Lesper, engendre certains dérapages. Il arrive tout de même que des enfants à taille normale viennent nous voir parce que les parents voudraient une plus grande taille pour eux. Et à ce moment-là, c'est dans le dialogue qu'on peut régler le problème, surtout lorsqu'il n'y a aucune pathologie, comme c'est assez souvent le cas. Ça ne vous inquiète pas, cette sorte de tentation de vouloir fabriquer un monde de géants à coup d'hormones ? Bien sûr, c'est une question qui peut se poser. Mais je crois qu'il faut avoir de la sagesse, et je crois que les parents peuvent en avoir aussi. Au même moment, le chef du programme, le professeur Job, se déclare satisfait de l'engouement des familles pour le traitement. Et dans les médias, nombreux sont les enfants qui témoignent. Maintenant, je fais 1m63. C'est une grandeur assez normale par rapport à tout le monde, ce qui fait que je suis comme les autres. Être comme les autres, c'est le but recherché par toutes les familles. Malgré l'aspect très expérimental de la technique, toutes sont séduites par les déclarations des médecins et en particulier par celles du professeur Job. Toutes sont rassurées par les acteurs du système, le laboratoire Pasteur, la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris et l'association France Hypophyse. Mais ce que les familles ne savent pas, c'est qu'en coulisses, derrière ce tableau idyllique, l'association France Hypophyse est en roue libre et qu'elle va violer toutes les normes éthiques et tous les principes de précaution pour arriver à ses fins. Si l'affaire des hormones de croissance deviendra par la suite un scandale, c'est pour la part d'ombre qui règne sur toute sa chaîne de production. Car pour répondre à la demande toujours plus grande pour ce traitement, il faut encore et toujours plus d'hypophyses. Au début, on les prélève sur les cadavres de jeunes accidentés de la route ou de patients en état de mort cérébrale. Mais l'association France Hypophyse va aller plus loin, beaucoup plus loin, et repousser sans cesse les limites. Dans la froideur des morgues, un réseau parallèle d'extraction se met en place pour récupérer un maximum d'hypophyses et les envoyer ensuite vers l'Institut Pasteur, qui sera chargé d'effectuer la préparation thérapeutique. Grâce aux résultats de l'enquête judiciaire, on est désormais en mesure d'affirmer que des manquements graves et des négligences ont été commises. Négligence d'une part dans la collecte des hypophyses, qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de traçabilité. Personne ne sait donc à l'Institut Pasteur d'où viennent exactement les précieuses glandes. Si l'une d'entre elles est contaminée par un virus, elle peut à son tour contaminer tout un lot de traitements et par conséquent des dizaines de patients. Grâce à plusieurs notes internes, on a découvert que France Hypophyse bravait un interdit formel, celui d'aller prélever en grande quantité dans les centres gériatriques. Plus grave encore, il apparaît que pour répondre à la demande, l'association a été jusqu'à s'approvisionner sur des cadavres en Europe de l'Est, plus précisément en Bulgarie, le tout dans des conditions d'hygiène et de stérilité très troubles. Manquement grave dans la préparation des lots d'hormones également. Certes, la technique était encore expérimentale à l'époque. Toutefois, il apparaît de façon claire que c'est pour ne pas dénaturer l'hormone et donc son rendement que l'on n'a pas pratiqué sur elle un vrai protocole de purification. À ce propos, dès 1980, le professeur Luc Montagnier, l'homme qui découvrira par la suite le virus du sida, s'inquiète déjà des dangers d'une telle pratique et il alerte par courrier ses confrères de l'Institut Pasteur. La technique de purification qui m'a été remise ne comprend aucune étape qui puisse inactiver un virus même moyennement résistant. Il existe donc un risque de réelle contamination de la préparation hormonale par des hypophyses prélevées sur des patients atteints de pathologies virales. Je suggère donc que dans l'immédiat soient prises des mesures de prévention pour diminuer les risques de contamination. Parmi celles-ci, l'irradiation des préparations et l'arrêt de prélèvement sur toute personne atteinte de maladies neurologiques et notamment d'encéphalopathie. La demande reste lettre morte, car personne à ce moment précis, tant chez Pasteur que chez France Hypophyse, ne s'inquiète d'une possible contamination des patients. Pour seule réaction, France Hypophyse interdit quelques mois plus tard certains prélèvements sur des cas jugés dangereux, personnes atteintes de tumeurs, maladies du système nerveux, mais aucune mesure n'est prise pour dépister les lots déjà fabriqués. Entre 1983 et 1985 en France, 1698 enfants sont traités avec les hormones de croissance fabriquées par les laboratoires Pasteur. Au même moment, aux États-Unis, 3 enfants meurent dans des conditions étranges. Ils sont diagnostiqués positifs à une maladie virale que l'on découvre à peine, Creutzfeldt-Jakob. Alors, en avril 1985, les autorités fédérales américaines ordonnent l'arrêt des prélèvements et de la distribution. Toutes les familles aux États-Unis sont alertées et l'hormone de croissance naturelle est remplacée par une hormone synthétique. Dans le pays du libéralisme et des excès de la finance, le principe de précaution l'a emporté, ce qui n'est pas le cas en France, on l'aura compris. Face au danger potentiel de la contamination des traitements à base d'hormones de croissance, l'association France Hypophyse déclare « Il s'agit là d'un problème américain ». Quant à son président, le professeur Job, il affirme tranquillement « La France n'est pas concernée, j'en veux pour preuve qu'il n'y a eu pour l'instant aucun cas dans l'Hexagone ». Toujours est-il que quelques semaines après le début de la crise aux États-Unis, certains médecins français sont inquiets et interrogent France Hypophyse. L'association, pourtant sous tutelle d'État, joue la carte du silence et affirme qu'on peut continuer à prescrire le traitement. Personne ne prévient les familles du risque éventuel de contamination par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Personne ne les informe qu'un nouveau traitement à base d'hormones synthétiques, parfaitement sûr, celui-là, sera prochainement mis sur le marché. Personne, enfin, parmi la communauté médicale, ne prend la moindre initiative. Laissé à la dérive, dans son vase clos, le programme français des hormones de croissance fonce droit à la catastrophe. 8 ans plus tard, en 1993, le scandale qui devait éclater éclate. Il est d'une ampleur inédite. Après l'affaire du sang contaminé, celle de l'hormone de croissance contaminée. 2 médecins spécialistes du nanisme ont été mis en examen hier après-midi pour homicide involontaire. En France, environ 1700 enfants ont été traités par cette hormone de croissance naturelle. 24 ont été victimes d'une contamination et déjà 19 jeunes patients sont décédés. Les médecins et les chercheurs se justifient en parlant des risques que comporte toute thérapeutique nouvelle. Déjà empêtré dans l'affaire du sang contaminé, le système de santé français secoué par ce second scandale. Et encore une fois, les faits sont éloquents. Il y a eu des imprudences et des négligences de la part de médecins et de professionnels de santé. Voilà un an qu'un premier patient traité aux hormones de croissance, Ilyassil, est mort de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Joint au téléphone par France Inter, sa mère raconte. À l'âge de 2 ans et demi, Ilyassil ne grandissait pas beaucoup en tous les cas. Il avait des problèmes de croissance. C'est là qu'ils m'ont envoyé à l'hôpital Necker. Et le traitement a commencé en janvier 83. Et on s'est aperçu qu'en septembre 89, il avait des problèmes de maux de tête. Il se plaignait tout le temps, sans arrêt. Et puis voilà, ça a commencé après, des vertiges, des tremblements. Bon, ben, j'ai été voir son médecin prescripteur à l'hôpital Necker. Bon, ils ont fait des examens. Tout est normal hein, pour eux. C'était impeccable. En septembre 90, ils ont décidé de lui faire une biopsie. Bon, les médecins m'ont dit que, bon, emmenez-le à la maison, il n'y a rien à faire. Hein. On ne m'a pas expliqué qu'est-ce qu'il avait, hein, justement. Hein. Ce que je reproche hein, aux médecins, c'est qu'ils étaient au courant déjà hein, qu'il y avait un problème d'hormones. Hein. Alors, on ne m'a rien dit. Hein. Très vite, on s'aperçoit que le cas de Ilyassil est loin d'être isolé. D'autres familles se font connaître. Parmi elles, il y a Jeanne Goerian, la mère d'Éric. Nous l'entendrons, Jeanne, tout à l'heure. Éric, ce garçon évoqué au début de ce récit. Atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il vit un véritable cauchemar au quotidien. Il s'éteindra quelques mois plus tard. De son côté, les juges mettent en examen pour homicide involontaire les professeurs Jean-Claude Job, président de l'association France Hypophyse, et Fernand André, ancien chef de service à l'Institut Pasteur. Mais un autre nom figure sur l'ordonnance des juges, celui du docteur Henri Cerceau, ancien directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris. Comme le souligne Michel Cotta sur le plateau d'Antenne 2 face à son invité, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, la pharmacie centrale aurait-elle manqué gravement à ses devoirs en faisant passer la rentabilité avant la santé ? Vraisemblablement, et d'après l'enquête de l'Express, la direction centrale de la pharmacie des hôpitaux a mis des lots contaminés en circulation. Ces lots ont été mis en circulation pour des raisons, à votre avis, commerciales. J'ai lu la même chose que vous, ça m'a effrayé comme vous, je trouve ça scandaleux comme vous. Si c'est vrai, c'est l'affaire du juge. Un peu plus de 20 000 doses que l'on sait à l'époque possiblement contaminées vont donc être remises à des patients. Difficile de contester les faits. Mais devant les juges, tous les responsables cités à comparaître affirmeront qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel dans cette affaire. L'argent. Parlons-en, car c'est un point clé de ce dossier. Une enquête réalisée par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, le prouve. Le réseau de vente d'hormones composé par l'Institut Pasteur, l'Association France Hypophyse et la Pharmacie Centrale des Hôpitaux de Paris dégage entre 1980 et 1986 des sommes très importantes, hors de tout contrôle budgétaire. Le chiffre est astronomique, on parle de plus de 60 millions d'euros facturés aux caisses d'assurance maladie. Il y a aussi la spirale des prix pratiqués entre les différents acteurs. Acheté par France Hypophyse 6 euros, les glandes étaient ensuite revendues 12 euros au laboratoire Pasteur. Après extraction, celui-ci facturait la poudre d'hormones 80 euros à la pharmacie centrale qui la mettait en flacon pour la revendre plus de 120 euros à la sécurité sociale. Par ici, la bonne affaire. Comme en attestent les rapports de l'IGAS, une logique industrielle se met en place. Pasteur dégage des bénéfices à une période où l'Institut en a cruellement besoin. Alors, chacun des acteurs profite des hormones pour remplir ses caisses. Et la question qui brûle les lèvres est la suivante. Mais où allait tout cet argent ? Uniquement dans la recherche, répondent les médecins. Une version invérifiable à ce jour, tant les différents acteurs du milieu ont brouillé les pistes à cette période. De 1993 jusqu'à aujourd'hui, pendant 23 ans, malgré un tissu de preuves et des témoignages accablants, malgré un nombre de victimes qui ne cesse d'augmenter, la justice piétine. D'expertise en contre-expertise, de procès en appel, les juges constatent des fautes graves et des manquements, mais n'identifient aucun coupable, aucun responsable. Personne parmi les accusés n'est capable d'expliquer pourquoi on a pris de tels risques avec la vie de milliers d'enfants. Pour les familles, c'est une double peine, celle d'avoir perdu un enfant et celle de ne pas pouvoir identifier le coupable. Les faits sont là. L'incompréhensible et impardonnable. Le système français de l'hormone de croissance est responsable à lui seul de 75% des contaminations mondiales de la maladie de Creutzfeldt-Jakob entre 1980 et 1988, et tout le monde se rejette la faute. Ce même système a sciemment menti ou caché pendant des années des informations qui auraient pu sauver la vie de certains de ses patients, des jeunes enfants, pour la plupart. Enfin, pour quelques centimètres de plus, le système français des hormones de croissance a tué plus de 120 enfants et en a contaminé des centaines d'autres. Sans commentaire. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les hormones de croissance. Notre invité, c'est le journaliste de Libération, notre partenaire, Éric Favreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de santé pour ce journal et vous avez suivi à l'époque ce scandale des hormones de croissance. On a l'impression, en regardant cette affaire avec le recul nécessaire, qu'elle a été quand même un peu occultée à l'époque par l'affaire du sang contaminé et qu'il y a quand même des parallèles, même si les comparaisons sont toujours un peu hasardeuses et dangereuses. Il y a des parallèles quand même entre les deux. Oui, tous ces scandales en France sont très impressionnants parce qu'il y a de gros parallèles, de gros points communs et aussi de grosses différences. Oui. Là, ce qui est, il est vrai, assez saisissant, c'est l'époque, c'est la période, c'est les mois. Parce que quand on parle du premier semestre 85, ça fait évidemment tout de suite référence à ce qui s'est passé sur le sang contaminé, sur le dépistage, etc. C'était exactement les mêmes mois. Et en même temps, ce sont deux affaires très très différentes. Et c'est vrai que d'une certaine façon, l'affaire de l'hormone, quoi, l'affaire ou le drame de l'hormone de croissance arrive après l'affaire du sang contaminé. Peut-être que l'on en parle moins, peut-être que l'on réagit au début un peu moins, et puis aussi les victimes, parce que dans toutes ces affaires, c'est quand même ça le point commun, et le point commun le plus impressionnant, c'est que ces affaires sortent, apparaissent et surgissent parce que les malades ou les victimes se battent. C'est pas les autorités judiciaires, c'est pas les médecins qui sortent ces affaires-là. C'est quand même un point commun qui est très troublant et très inquiétant quand même pour notre système de santé. Alors, comment est-ce possible? Comment des professionnels de santé aussi qualifiés peuvent piétiner le serment d'Hippocrate finalement? Comment expliquer aussi l'inertie du système administratif français? Enfin, ça paraît fou quand même. Ces gens-là sont intelligents, ils savent qu'en prenant prend des risques. Ça peut être, les conséquences peuvent être terribles. D'abord pour les victimes, hein, puis pour eux aussi d'ailleurs. Alors oui, c'est vrai qu'après coup, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder après coup avec les fameuses connaissances du moment pour juger ce qui s'est passé hier. Ce qui est impressionnant, je trouve, moi, dans cette affaire de l'hormone de croissance, c'est d'abord le monde médical. En tout cas, quelques médecins qui sont au départ de grands médecins ou voire de grandes institutions comme Pasteur, mais qui sont intouchables. Le professeur Job, c'est un grand médecin, c'est un grand mandarin. Il est à Port-Royal ou à Saint-Vincent-de-Paul. Et d'ailleurs, quand on rencontre les parents et les enfants qui vont le voir, ils sont tous très impressionnés. Et puis c'est le grand théâtre, on met l'enfant sur un tréteau, on discute, il y a 20 personnes autour, on ne critique pas. Et lui aussi est incritiquable. Cela dit, c'est vrai que il y a un fond médical, mais comme on le voit même aujourd'hui, nos grands médecins n'ont pas que des défauts, ils ont aussi des grandes qualités. Et ils se lancent sur quelque chose d'assez impressionnant. Dans cette histoire de l'hormone, il y a aussi l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, qui oserait dire du mal de l'Institut Pasteur, y compris aujourd'hui. Lors des deux procès, y compris des personnalités assez indépendantes, personne n'a osé dire émettre la moindre critique sur l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, ça ne se critique pas, ça se vénère. Et c'était troublant parce que c'était des personnages et des personnes très importantes, mais ça aurait été presque obscène. Et puis l'administration qui ne fait pas que du mauvais travail, mais qui à cette époque-là, comment dirais-je, regarde les choses d'un petit peu loin, et dans tous les conseils d'administration de ces associations, comme France Hypophys, etc. Mais bon, on envoie des sous-fifres, ils sont pas là, voilà, c'est juste pour valider ce qui se passe, et n'ont jamais le recul, ou en tout cas, la vigilance qu'on pourrait attendre d'eux. C'est ça qui va changer. Mais c'est vrai qu'il y a un conglomérat, c'est d'ailleurs ce que je notais, c'est que lors d'un des procès, le procureur l'avait noté très bien, parce qu'on disait, mais bon, tout ça, c'est la faute à la fatalité, et il disait à un moment donné, non, c'est le procès d'un aveuglement, orgueil. C'est ça. D'un orgueil, c'est l'orgueil de nos grands médecins, et puis d'un amateurisme énorme, parce que quand même, dans la fabrication de l'hormone de croissance qui est faite à l'Institut Pasteur, ça s'est fait quand même sur des bouts de paillettes. C'était invraisemblable, parce qu'il ne faut pas oublier que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, d'ordinaire on critique beaucoup l'industrie pharmaceutique, il n'y a jamais eu la moindre contamination lorsque l'hormone de croissance était faite par l'industrie pharmaceutique dite officielle. Parce que, grosso modo, elle sait faire. Là, un Pasteur, c'est pas Fernandré, charmant biologiste, certes en mal de reconnaissance, qui pouvait maîtriser toutes les reconnaissances, toutes les homologations et toutes les accréditations nécessaires aux différentes étapes de fabrication. Alors, on parle d'amateurisme, d'aveuglement, d'orgueil, mais il y a pire quand même. Parce qu'au moment où on a des preuves que tout cela est dangereux, regardez ce qu'ont fait les Américains. Ils ont arrêté tout de suite, eux. Donc là, on passe dans quelque chose, je ne sais pas si je peux dire ça, de criminel. On passe dans quelque chose que là, on retrouve un petit peu dans l'histoire du sang contaminé. C'est, attendez, mais en France, c'est pas possible. En France, le sang français vient des bénévoles. Il ne peut pas être contaminé. Et là, l'hormone de croissance, vous vous rendez compte, elle vient de l'Institut Pasteur, elle vient du grand pédiatre qui travaille à Saint-Vincent-de-Paul. Non, attendez, écoutez-nous, ce n'est pas possible. Là, il y a un aveuglement, et je crois que c'est un aveuglement, j'allais dire, au premier degré. C'est pas, il est pas, il n'y a pas d'autre raison que ce côté qu'on peut retrouver, qui est quand même un des grands défauts qu'ont souvent les Français, une certitude d'avoir toujours raison, quoi. On ne peut pas avoir tort. Alors, aveuglement, on l'a dit, y aurait-il aussi une question d'argent, quand même? Alors là, la question d'argent, c'est une vraie question. C'est une vraie question, et puis c'est une vraie frustration, parce que lorsqu'on discute avec un des avocats qui a été très décisif, Bernard Faux, qui a défendu énormément de familles, lui, il disait qu'il y avait beaucoup de choses par en dessous. Les deux procès n'ont absolument rien montré. Il n'y a pas d'enregistrement très clair. On voit quelques petits tripatouillages. Comme il a été dit dans votre enquête, on parle de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, est-ce qu'ils ont tous été à la recherche? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, il n'y a aucun élément très tangible. Et c'est vrai que quand on regarde les différentes situations personnelles des différents acteurs, bon, il n'y a pas d'enrichissement personnel massif. Donc là, c'est une sorte de trou noir. Est-ce qu'il y a eu des gros tripatouillages ou pas? Je ne pourrais pas dire. Où est passé l'argent? On ne peut pas le dire. Non. Il y a quand même une partie pour la recherche, c'est ce qui a été dit, on a investi. C'est ce qui a été dit, voilà. C'est ce qui a été dit. Oui, ça paraît possible. Ça paraît possible en même temps. Bon, c'est vrai, les chiffres que vous avez donnés sur le prix de l'hypophyse, puis après l'extraction, etc., on sent qu'il y a une culbute, hein. C'est pas, ils font pas un, voilà, il y a de l'argent, mais en même temps, et Dieu sait que pourtant l'instruction a été menée de façon longue et par la juge d'instruction Berthela Geoffroy et efficace, mais là c'est vrai qu'ils n'ont absolument rien donné. Mais je vous dis, moi la seule chose qui me restait, c'était le regard quand même très très inquisiteur de cet avocat qui disait, mais non, il y a plein de choses, mais bon, en tout cas ces plein de choses sont restées secrètes ou clandestines. Ça rappelle quand même là encore l'affaire du sang contaminé avec les produits qui étaient en concurrence entre les Américains, les Français. Là on voit qu'il y a une logique qui est une logique économique, commerciale, alors qu'on parle de santé, bon sang, on parle de santé. Il y a une logique économique et commerciale, mais il y a surtout une incroyable suffisance française. Et ça aussi. Parce que quand même, quand les premiers cas sont confirmés aux États-Unis en mai 85, il y a cette affirmation, mais ça n'est pas possible chez nous. Venez voir comment sont fabriquées notre hormone de croissance. Et c'est vrai que il y avait aussi, alors est-ce que c'était un double jeu ou pas, mais l'argument qui était de dire, mais attendez, tout ça est fait pour que tout le marché soit pris par certains industriels qui, eux, ont de l'hormone de croissance synthétique. Non, ne tombez pas sur le panneau, c'est une grosse et vaste stratégie commerciale qui est faite de nous faire croire qu'il y a un gros... On retrouve un peu ce type d'argument qu'on a eu dans l'affaire du sang contaminé. Mais la différence quand même, et elle est quand même importante, c'est que dans l'affaire du sang contaminé, en tout cas sur son volet des lots contaminés de produits sanguins, là on avait une certitude absolue qu'ils étaient tous contaminés et on a continué à les distribuer uniquement pour des raisons financières. On est en criminel là. Là on était dans le criminel. Démarche criminelle. Ouvertement. Voilà. Hein, quand on voit les conséquences, et on va entendre une mère tout à l'heure. Ça n'est rien d'autre que criminel. Oui, en tout cas, c'est une... Enfin, c'est révoltant, quoi. C'est révoltant. Et puis, bon, peut-être qu'on l'écouterait après, c'est que c'est quand même... C'est ça qui restait très impressionnant, c'est que c'est quand même des maladies vraiment pas drôles, quoi. C'est quand même des fins de vie terrifiantes, quoi. On perd peu à peu toutes ces possibilités, toutes ces capacités, et puis on s'en rend compte, quoi. C'est quelque chose de terrible. Et comme d'ailleurs, c'est aussi un peu un autre point commun avec l'affaire du sang contaminé, c'est que dans le sang contaminé, c'était les parents qui faisaient l'injection des produits sanguins à leurs enfants. Là, dans l'affaire de l'hormone, c'était les parents qui amenaient leurs enfants, qui insistaient pour les traiter, quoi. Il y a une sorte de responsabilité, de culpabilité qui a été très lourde à porter, et qui, je suppose, l'est toujours. Alors, on va entendre le témoignage de Jeanne Goerian, que nous avons cité plusieurs fois dans le récit, et que notre reporter Anaëlle Verzo a rencontré. Je rappelle que son fils Eric est mort en 1994 de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après sa contamination. Et voilà, Madame Goerian parle à Anaëlle Verzo de leur calvaire, du calvaire de la famille, de celui de son fils d'abord, et puis aussi du sien. Il y a tout le monde, alors il y en a partout. On est chez vous, Jeanne? Oui. On a de la chance, il fait beau soleil. On a vu sur votre jardin. Oui. Et la famille qui est là, vos petits-enfants. Oui, mes petits-enfants, mon fils qui est arrivé de Lille aussi pour le week-end de l'Ascension. Voilà. Vous êtes la bienvenue ici pour qu'on reparle de l'hormone de croissance. Alors, Jeanne, votre fils Eric est né le 23 mai 1969. Oui. Il est décédé le mercredi saint et on l'a enterré le samedi de Pâques. À l'âge de 24 ans, en 1994. 1994, la semaine sainte. Donc l'enfance d'Eric se passe bien dans un premier temps. Et puis à l'âge de 10 ans et demi à peu près, il a une cassure de croissance, c'est-à-dire qu'il s'arrête de grandir. Oui. Et là, vous cherchez les raisons. Et c'est au cours d'un deuxième scanner de contrôle qu'on va s'apercevoir qu'il a une tumeur cérébrale. Et c'est la tumeur cérébrale, en fait, qui a provoqué sa cassure de croissance et qu'automatiquement, l'hypophyse ne fonctionne plus. Et elle est soignée, cette tumeur? Elle est soignée, elle est guérie complètement. Et on est heureux parce que même le chirurgien qui l'a opéré dit « C'est une des tumeurs que l'on guérit à 100%. » Même ce chirurgien nous le dit. Donc nous, on est contents, on est ravis, on est enchantés. Alors, on lui prescrit de l'hormone de croissance? En quelle année? Alors, on lui prescrit l'hormone de croissance en 83 Et ce qui se passe, c'est que 10 ans après, on apprend que des enfants sont décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob due à ces fameuses hormones. On apprend la nouvelle par le journal télévisé. Je n'ai pas le temps d'aller aux renseignements. Le lendemain matin, c'est le prescripteur, le professeur endocrinologue, qui m'appelle pour m'annoncer terriblement la terrible nouvelle, c'est qu'Eric a reçu tous les lots contaminés. Et là, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et on ne sait pas qu'à ce moment-là, il est déjà dans les premiers signes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On ne comprend pas, il est devenu un petit peu négligent, il est boulimique, il a des problèmes de comportement, il est dépressif, il dort beaucoup. Et c'est, malheureusement, cette maladie de Creutzfeldt-Jakob, on nous a annoncé que le diagnostic, une fois posé, malheureusement, elle est irrémédiablement mortelle. Donc on apprend qu'Eric va nous quitter. Et après de terribles souffrances, effectivement, Eric nous quittera 2 ans plus tard, quoi. À l'âge de 24 ans. 24 ans. Je vois, vous avez des photos. Comment ? C'est des photos de vos petits-enfants. Oui, et puis Eric, Eric petit, là, Eric aux États-Unis avec son frère. Là, il est là, Eric aussi. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été outrée, révoltée par le collège d'experts nommé par le juge Berthelin Geoffroy. Parce que Jeanne, vous avez par la suite mené un long combat après la mort d'Eric pour faire reconnaître le fait qu'il était bien mort des hormones de croissance qu'il avait prises et donc de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et non pas de la tumeur au cerveau qui avait été guérie et dont ce collège d'experts dont vous parlez a dit mais il s'agissait d'une récidive en fait de cette tumeur et non pas des hormones de croissance. Ce qui était complètement faux. La confraternité a fait que tout le monde se soutenait et qu'on avait tout intérêt à minorer le nombre de victimes de ce drame sanitaire. Compte tenu qu'on avait un record mondial des enfants contaminés. On a souffert de ce mensonge. C'est une deuxième mort qu'on nous a imposée. Et par la suite, vous mettez en relation avec le docteur Chalumeau. C'est le juge qui va nommer le docteur Chalumeau comme expert. Il écrit « Eric est décédé d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob ». En relation de causalité directe, certaine et exclusive avec le traitement par hormones de croissance extractive humaine. Au terme de ce long travail d'expertise, il s'avère qu'il n'y a pas d'autre diagnostic possible. Oui, tout à fait. Il aura pris l'affaire du commencement jusqu'à la fin. Voilà. Et Jeanne, alors après, il y a un procès qui a été instruit avec les autres familles de victimes. Du coup, vous pouvez à ce moment-là être associée aux familles de victimes. Voilà, ce qui m'a permis d'entrer dans le dossier judiciaire à fond. Et là, j'ai passé des heures et des heures. Plus j'avançais, plus je découvrais des visions d'horreur quoi, dans ce qui avait été fait. J'ai vu, par exemple, les prélèvements d'hypophyses qui étaient faits par des garçons d'amphithéâtre, des plombiers, dans les couloirs de morgue. Bon, j'ai découvert aussi qu'à Pasteur, on fabriquait ça, mais avec un amateurisme fou. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hormone, avant, était extraite des hypophyses de cadavres. Et en première instance, on a même appris que les hypophyses étaient payées de la main à la main, comme ça, aux garçons d'amphithéâtre, avec une caisse noire. Alors, vous voyez un petit peu tout ce qu'on découvre après le drame sanitaire. On a l'impression qu'on est dans une arrière-boutique d'apothicaire et qu'on fait un peu n'importe quoi, alors que ce sont des professeurs qui ont mis ça en place. Enfin, ils ont été formidables pour mon fils, tous ceux qui l'ont soigné, mais quelques mandarins qui sont là et qui jouent avec ça, ça c'est inacceptable pour moi. C'est inacceptable et tellement douloureux que j'ose pas vous dire, ça laisse des traces quand même, ça laisse des traces. Tu peux venir, mon chéri. C'est votre petit-fils. Oui, c'est mon petit-fils. Tu veux quoi, un verre d'eau ? Jeanne Gouayran, que vous venez d'entendre, a écrit un livre intitulé « Ils ont tué mon fils deux fois » chez Bourin Éditeur en 2008. Et dans ce livre, il y a des témoignages, par exemple, d'une famille qui a dû payer jusqu'à 180 000 euros d'honoraires à un avocat. Là, c'était une triple peine. Et d'ailleurs, le père de cette famille a dit dans un instant de panique, qu'on peut comprendre, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je vais vendre ma maison. Voilà, tout ça est terrible. Alors, Éric Favreau, réaction après ce qu'on vient d'entendre, au-delà de la réaction naturelle, qui est la vôtre, j'imagine, comme la nôtre, celle de la compassion, évidemment. Mais au-delà, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre? Moi, dans toutes ces histoires, et en particulier d'ailleurs dans ce drame de l'hormone de croissance, c'est extrêmement extraordinaire de voir comment certaines familles, et puis là on a entendu Jeanne Guérian, comment certaines familles ont réussi à se battre, quoi. Mmh. Ont réussi à sortir d'une sorte d'un écrasement dû au poids de ce qui leur tombait dessus, d'arriver à réagir, puis arriver à aussi ensuite à construire un collectif, parce que pendant des années, puisque on a bien vu, les procès ont eu lieu 20 ans après que la contamination ait eu lieu, il y a eu une sorte d'entraide, il fallait se battre pour avoir des expertises, tout était compliqué, tout a été lourd, et c'est très extraordinaire de voir que dans ces affaires-là, non seulement les premières victimes ont été les plus actives pour que les choses se révèlent, mais elles ont su, comment dirais-je, développer une solidarité entre elles qui était très très très extraordinaire et auquel on a pu assister durant le procès. Mais c'était quelque chose de presque beau, puisque en plus là c'est quand même, cette histoire s'est terminée quand même par un procès. Il y a d'autres affaires qui se terminent pas par des procès. En janvier, dernière audience, en janvier dernier. Nous avons avancé dans le récit le nombre de 120 victimes. Je ne suis pas certain qu'il y ait un nombre officiel. Maintenant, il n'y a plus de morts, hein, quand on regarde les... Non, mais de cette affaire-là aurait fait 120 morts. Oui, c'est 120 morts, ouais. D'accord. Alors, les hormones de croissance de synthèse. Maintenant, on peut en dire un mot. Donc, ils ont remplacé les hormones de croissance naturelle. Celles-là, elles sont par définition sans danger. C'est quoi les hormones de synthèse? A priori, elles sont sans danger. En tout cas, il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y a eu des effets négatifs, on ne sait jamais. Ce qui est impressionnant, c'est que on aurait pu passer beaucoup plus vite aux hormones de synthèse. Oui. Ça, voilà. Mais là aussi, il y avait cette bonne et vieille tradition française. Le sang français est pur, l'hormone de croissance est pure. Parce que quand même, c'est un des aspects qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais que vous aviez évoqué dans le reportage, c'est les conditions absolument ahurissantes de recueil des hippophyses dans les. On peut revenir. C'est absolument incroyable, avec des histoires de pourboire, etc. Et avec quelque chose aussi de très particulier que une des personnes qui a été mise en examen, la docteure Elisabeth Munier, qui se défendait en disant mais je suis responsable de rien, moi je passais, je ramassais, etc. C'était pourtant un médecin. Elle voyait comment on récupérait, comment elle payait, comment elle laissait des chèques en blanc, et tout ça était tout à fait normal. Et puis après, se défendant, disant bah, attendez, je n'étais qu'une simple employée, ce qui n'était pas vrai, elle était dans tous les conseils d'administration. Mais il y avait cette sorte de d'irresponsabilité aussi qui se dégageait, et puis une situation où, quand même, face à quelque chose de très visible, ça ne réagissait pas. Alors que c'était des médecins et qu'ils savaient. Et c'était une médecin, voilà. Oui. Et je crois que c'est une pure appréciation personnelle. Je crois qu'elle a toujours rien compris. Parce que souvent on fait porter le chapeau aux politiques, à l'administration. Mmh. Certes, hein, c'est le concept de responsabilité. Mmh. Enfin, ils n'ont pas les connaissances techniques. Non. Les médecins, eux, ont la connaissance technique. Bah oui. Mais dans l'affaire de l'hormone de croissance, comme d'ailleurs, oui, surtout dans l'affaire de l'hormone de croissance, c'est pour ça d'ailleurs que ça se termine par cette sorte de non-lieu ou d'acquittement généralisé. C'est que c'est vrai que ce qui est très compliqué, c'est que c'est quand même. La justice, elle veut, il y a un mort, il y a une cause et il y a un responsable. Mmh. Or, dans les affaires sanitaires, c'est toute une série d'acteurs qui rentrent en ligne de compte, et il faut tout ce contexte. Et c'est pour ça que bien souvent, ça se termine par pas de coupable. Et que, d'une certaine façon, la loi, et d'ailleurs la juge d'instruction le disait, la loi n'est pas du tout faite pour appréhender ces, non pas ces nouveaux délits, mais ces dysfonctionnements sanitaires où il y a des responsables, mais c'est compliqué de dire que ce sont des responsabilités individuelles. Bien sûr. Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est on se dit, mais bon sang, est-ce qu'un jour on sera complètement en sécurité? Est-ce qu'on tirera les leçons de tous ces drames? Et puis là, je vois encore, vous avez écrit un article intéressant là-dessus. On n'a pas beaucoup le temps d'en parler, on a 45 secondes. La dépakine, hein, c'est ça? Anti-épileptique, des soupçons là-dessus? Ah oui, plus que les soupçons, c'est un médicament. Alors la différence par rapport à d'autres, par rapport au Mediator, qui était quand même un médicament qui ne servait à rien, la dépakine ou dépakote est un très bon médicament contre les crises d'épilepsie. Et puis bon, dans d'autres indications, mais surtout pour l'épilepsie, le problème c'est que c'est une catastrophe pour les femmes enceintes. C'est-à-dire que si elles le prennent durant leur grossesse, c'est absolument catastrophique. Mmh. Et on le sait depuis très longtemps, et pour des raisons mystérieuses, et pour des raisons compliquées, voilà, un nombre invraisemblable de femmes enceintes en ont reçu, et voire continuent d'en recevoir. Et là, même si on le sait, Il y a plein de mystères. Pourquoi les médecins continuent de le prescrire? Et puis surtout, pourquoi ne le disent-ils pas à leurs patientes? Bien sûr. Merci infiniment, Éric Favreau. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, le journal partenaire d'Affaires Sensibles, une fois tous les 15 jours. Et c'était donc aujourd'hui. À bientôt. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le scandale des hormones de croissance. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le rapt, la détention, puis la libération d'Ingrid Betancourt.